l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours des quatre dernières émissions, nous avons examiné sous divers angles la socio-économie canadienne dans l'entre-deux-guerres, entre 1918 et 1939. Pendant toute cette période, la socio-économie canadienne vit un moment de ralentissement économique, tout comme d'ailleurs le reste de l'économie atlantique. Mais, comme on l'a vu, le Canada et les États-Unis sont frappés plus durement par la Grande Dépression des années 30, et le Canada en particulier met du temps à renverser la tendance. Les demandes de réforme viennent de tous les milieux dans les années 30, quand le système économique donne des signes de raté sérieux. Mais ni les institutions ni les esprits ne sont tout à fait prêts à répondre à ces demandes. C'est le grand dérangement de la Seconde Guerre mondiale qui va transformer et les unes et les autres. Aujourd'hui, la 23e émission de notre série examinera la socio-économie canadienne dans ses coordonnées nord-américaines, dans l'après de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a transformé fondamentalement l'économie canadienne. En dollars constants, c'est-à-dire en termes réels, la valeur de la production nationale augmente des deux tiers entre 1939 et 1944. La production industrielle augmente de 50%. Le produit national brut dans le secteur de la production manufacturière secondaire passe $1,5 milliard de dollars en 1939 à 4 milliards en 1944. C'est que, contrairement à ce qui avait été le cas dans la Première Guerre mondiale, le Canada n'a pas été confiné cette fois à la production de munitions dans l'effort de guerre des forces alliées. Entre les deux guerres, le secteur industriel canadien a mûri. Ce qui fait qu'en 1939, et plus particulièrement après l'évacuation de Dunkerque en 1940, on a assigné au Canada une tâche à la fois plus grande et plus complexe dans l'effort de guerre des Alliés. Au Canada, on va produire toutes sortes d'armements, plus d'un demi-million de véhicules militaires entre 40 et 43, des bateaux, des tanks, des avions. Sans parler des quantités énormes de nourriture et de vêtements que le Canada va exporter vers les nations alliées. C'est une période de restructuration dramatique. Le nombre d'hommes employés dans l'agriculture tombe du tiers, de 1,5 million à 1 million, pendant que leur nombre dans l'industrie passe de 2,5 millions à 3,5 millions. Même s'il n'existe pas de mesure précise de l'accroissement du secteur industriel canadien à l'occasion de la guerre, on estimera que le monde des affaires a investi plus de 3,5 milliards de dollars directement et indirectement pour les fins de la guerre au cours de cette période. C'est aussi un changement important dans l'organisation de la vie économique. On l'a dit la dernière fois. C'est la mise en place de contrôles très fermes sur la production et les prix, la création d'une multitude d'entreprises publiques ou semi-publiques, mais aussi une augmentation de la dimension des entreprises privées existantes et la mise en place d'une base économique solide de grandes entreprises engagées dans la production de guerre, mais qui ne vont pas s'évaporer avec la fin de la guerre. Georges Niozzi est un spécialiste de sociologie économique à l'Université du Québec à Montréal. Il nous rappelle le sens de cette transformation du monde des affaires à l'époque. Vous avez d'une part l'entrée massive de l'État dans l'activité économique, avec la création de très nombreuses sociétés d'État. Beaucoup de ces sociétés-là existent encore aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez la création d'un nouveau type de société concentrés, si vous voulez. C'est les conglomérats, c'est les grands conglomérats. Les seuls conglomérats importants qui existaient avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le Canadien Pacifique. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez la profusion des grands conglomérats. Argus Corporation, par exemple, créé en 1945. Et vous avez aussi un développement économique canadien très important à cause de l'effort de guerre, tout comme aux États-Unis, il y a une croissance monumentale de l'activité économique. Par exemple, la production d'aluminium s'est multipliée par 5. Le Canada rentre dans de nouveaux secteurs, comme par exemple la pétrochimie, avec l'aide de l'État, avec Polisade, par exemple, pour constituer une des plus grandes sociétés mondiales dans la production de caoutchouc synthétique. Dans beaucoup de secteurs, l'économie canadienne se développe dans des secteurs nouveaux. Il y a aussi une prospection minière très importante, justement, pour l'effort de guerre. Et c'est là qu'on a, par exemple, trouvé le fer du nord-est du Québec, du nord du Québec, de la région du Labrador. Il y a une croissance des industries minières très importante, des industries des métaux non ferreux extrêmement importantes. Et je ne dirais pas que sur le plan financier, il y a eu des grands changements, mais sur le plan industriel, il y en a eu une diversification économique et une croissance industrielle très importante. Cette croissance industrielle phénoménale, elle a souvent fait oublier une transformation tout aussi extraordinaire dans le monde agricole canadien à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Malgré des conditions climatiques assez peu favorables dans ces années-là, le volume de production agricole va grimper de près du tiers par rapport au niveau de l'avant-guerre, et ce, avec une main-d'œuvre réduite et un stock de capital rationné. On a pu dire que la production par homme dans l'agriculture canadienne a augmenté de 50% pendant la guerre. Pour les prairies qui avaient vécu dans la détresse, la fin de l'économie du blé dans l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'occasion d'une mutation hors de cette monoculture, comme nous l'explique John Thompson, un professeur d'histoire à l'Université McGill, un spécialiste de l'histoire des prairies. La guerre a changé la politique du gouvernement fédéral envers l'agriculture dans l'Ouest. C'était difficile à vendre le blé entre 1940 et 1943 parce que l'Europe était fermée par les armées de M. Hitler. Et c'était nécessaire à trouver une autre orientation pour l'agriculture de l'Ouest. Et cette période a commencé la production des animaux, des porcs, et ça a aussi commencé la production des autres formes du grain, comme le rapeseed, ou les betteraves à sucre, par exemple, où la production de l'orge a beaucoup augmenté, au point que beaucoup moins que 50% du terrain de l'Ouest est semé au blé. Et ça aussi, ça a permis une dépopulation de l'Ouest, qui était nécessaire, franchement, parce que les années 40 étaient la période de la 12e révolution agriculturelle pour l'Ouest. Et ça, c'était l'application des tracteurs de l'agriculture, puis la moissonneuse batteuse. Et ça n'a pas pris la même population. Il y avait une migration dehors des provinces prairies entre 1939 et 1950 qui a ajusté l'économie agriculturelle, qui a permis l'expansion des fermes, la mécanisation. Et la plupart ont quitté la région pour le centre du Canada ou la Colombie-Britannique. Cette transformation de l'agriculture va laisser l'Ouest, en 1945, 1946, 1947, tout à fait différente dans sa structure. Est-ce qu'on peut parler d'une base économique déjà transformée en 1946-1947? Non, pas déjà transformée, mais le commencement est là. Et sur le plan régional, et pas dans toutes les provinces, parce que le 1946, c'est le Duke number one, le commencement du vrai industrie du pétrole en Alberta. Et c'est ça qui a commencé la croissance d'Alberta, qui est le fait le plus saillant de l'histoire des prairies entre la guerre et aujourd'hui. La croissance d'Alberta, qui est maintenant la taille de la communisation de la Saskatchewan et du Manitoba. Et l'orientation vers les villes. Il y avait un mouvement retardé dans les prairies, mais qui a commencé dans les années 40 et continué dans les années 50 et 60. Les gens ont laissé les fermes, évidemment, pour la ville. Et on a vu la création, pas d'une économie très diversifiée, mais l'expansion du secteur gouvernemental ou l'expansion des autres produits naturels, le pétrole, l'expansion de l'économie de Colombie-Britannique était faite par les travailleurs qui ont quitté l'agriculture dans les prairies et déménagé en Colombie-Britannique pendant et après la guerre. Donc, on a un peu un nouveau commencement autour de 1950. Oui, nouveau commencement et nouveau boom. Pas un boom de blé, le blé en était parti, mais un boom des produits naturels et un boom qui a redonné de l'Ouest la mentalité par les années 60 et 70, la mentalité du boom et la mentalité des années 20 et de l'avant-première guerre. Ce nouveau dynamisme, cette nouvelle mentalité de boom de la fin des années 40 dans l'Ouest, ce n'est qu'une des révolutions dans les esprits que nous vivrons au Canada dans les années 40. Après une décennie d'hésitation par le gouvernement fédéral, hésitation à accepter ses responsabilités dans la gestion de l'économie canadienne, on voit s'affirmer à la fois une volonté et une capacité de gérer une économie planifiée au Canada à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Et de la gérer bien. Alors que l'effort de guerre en 14-18 avait été relativement mince, il n'atteignit jamais 10% du produit national brut, cet effort de guerre avait entraîné l'économie canadienne dans une inflation galopante, 100% d'augmentation des prix en 4 ans. Eh bien, dans la Seconde Guerre mondiale, l'effort de guerre en 1943 va représenter plus de la moitié du produit national brut, et le niveau des prix va augmenter en 4 ans, d'un peu plus de 25% seulement. Ce financement de l'effort de guerre sans inflation sérieuse dans le prix des biens de consommation, il ne va pas se faire facilement. Le gouvernement va s'appuyer fortement sur l'impôt sur le revenu des particuliers et sur le revenu des entreprises pour stériliser, si l'on peut dire, la demande privée. Alors qu'en 1939, le revenu total du gouvernement canadien de l'impôt sur les particuliers était de 46 millions de dollars, il sera de 930 millions en 1944. Pour ce qui est de l'impôt sur le profit des entreprises, il apportait à la trésorerie fédérale 77 millions de dollars en 1939 et 850 millions en 1944. De la même façon, si on va devoir augmenter la masse monétaire à un rythme plus accéléré, on va le faire au Canada au cours de la Seconde Guerre mondiale avec beaucoup de prudence. On a pu montrer que la croissance de la masse monétaire a été 2 fois plus rapide aux États-Unis qu'au Canada. Le coût de la vie aux États-Unis a évidemment grimpé plus vite. Cet effort de planification réussi s'est incarné dans toute une série d'institutions, mais il s'est traduit aussi dans un changement important de la perception que le gouvernement a pris de lui-même dans la première moitié des années 1940. Rien ne marque mieux ce changement dans les esprits que la remise au Parlement en avril 1945 par le ministre de la Reconstruction, M. C.D. Howe, du livre blanc sur le revenu et l'emploi. C'est un document de prospective qui établit des objectifs d'emploi et de revenus pour l'après-guerre et définit le cadre législatif qui permettra d'atteindre ces objectifs. Mais c'est aussi l'affirmation d'une politique de revenus et d'emploi par le gouvernement, d'une politique qui affirme que le gouvernement s'engage à maintenir un niveau élevé et stable d'emploi et de revenus au Canada. Après l'introduction de la notion de budget fédéral stabilisateur par la commission Raoul-Sirois, c'est maintenant un engagement politique ferme par le gouvernement qu'on entend faire un usage soutenu de ce budget économique stabilisateur dans le livre blanc. J'ai demandé à André Reynaud, ancien président du Conseil économique du Canada et maintenant professeur de sciences économiques à l'Université de Montréal, de nous parler du livre blanc sur le revenu et l'emploi. Le livre blanc sur le plein emploi qui a été adopté, rendu public en 1945, doit être interprété à la lumière du fait qu'aux États-Unis, on avait également introduit un livre blanc semblable quelques mois auparavant. Et je dirais, comme deuxième indice de changement là, important, la publication pendant la Deuxième Guerre mondiale du rapport Beveridge en Angleterre et du rapport Marsh au Canada, qui tous deux ont apporté, si vous voulez, la justification d'une intervention massive dans le domaine social, dans le domaine des allocations de chômage, dans le domaine des allocations familiales, dans le domaine des régimes de sécurité sociale, disons, sur un plan assez général. Il faut se rappeler qu'au Canada, par exemple, c'est quand même remarquable que c'est en 1944 qu'on a introduit des allocations familiales. Pourquoi 1944? À première vue, c'est assez surprenant. On avait déjà à l'esprit qu'il fallait que, dorénavant, les États prennent une part beaucoup plus grande dans la réalisation de certains objectifs nationaux. Est-ce qu'on avait vraiment peur, M. Reynaud, que la situation soit grave dans l'après-guerre pour qu'on puisse un peu légitimer cette introduction d'une mesure sociale qui donnerait tant de dollars par enfant? Il y avait cette crainte, sans aucun doute, une crainte très largement partagée, à l'effet qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dès la fin de la guerre, on courait le risque de faire face à une récession majeure, sinon à une dépression comme celle qu'on avait connue quelques années auparavant, au cours des années 30. Ça, il n'y a aucun doute, je pense que tous les témoignages concordent sur ce point-là. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que le livre blanc sur le plein emploi a été, peut-être encore plus que l'introduction des allocations familiales, la réponse de principe qui a été apportée par le gouvernement de ce danger de crise ou de dépression. Avec le livre blanc sur le plein emploi, on disait à la population, dorénavant, le gouvernement va empêcher, par tous les moyens dont il dispose, va empêcher la répétition du chômage qui avait été connu au cours des années 30. Là, on s'engageait à quelque chose, on réalise maintenant que cette obligation-là était considérable, une obligation d'ailleurs qui, aujourd'hui, en tout cas vue avec nos yeux d'aujourd'hui, était une obligation un petit peu ambitieuse. Il faut dire en même temps qu'il y avait une commission de la reconstruction et du développement qui avait également pour objet au Canada de prévenir cette crise que tout le monde craignait. Et cette crise-là, il faut remonter, je pense, à la fin de la Première Guerre mondiale pour la comprendre. Pourquoi les gens pensaient-ils qu'on aurait une crise considérable après la Deuxième Guerre mondiale? Et c'était, sans aucun doute, à cause de ce qui s'était passé en 1918-1919 et ensuite l'explosion des prix en 1920, dont tout le monde se rappelait encore. Et pour peut-être une raison un peu simpliste, on pensait que ce chômage suivant une guerre était inévitable à cause de la démobilisation des soldats. On se disait, là, pendant un certain nombre d'années, il y a eu des centaines de milliers d'hommes sous les armes. Lorsque ces gens-là vont revenir, il est évident qu'ils ne trouveront pas d'emploi. Sur le plan monétaire, au Canada, il faut se rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un taux d'intérêt qui était de 2 %. Je me souviens avoir lu quelque part, vers 1945 à peu près, ou 1946, le gouverneur de la Banque du Canada, qui était M. Towers, dire qu'il fallait absolument maintenir un taux d'intérêt à 2 % pour plusieurs années à venir encore. Toujours dans cette idée que s'il fallait que les taux d'intérêt soient relevés le moindrement, que ceci plongerait l'économie dans une dépression comme celle des années 30. Malgré le fait que le comité aviseur sur la reconstruction va souligner dès 1943 les grands dangers d'une inflation dans l'après-guerre, d'une inflation engendrée par tout ce pouvoir d'achat qu'on va devoir libérer, un pouvoir d'achat qu'on a empêché les citoyens d'utiliser au cours de la guerre, il faut dire que la grande peur d'un retour à la dépression économique va hanter presque tout le monde vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui va faire qu'on va être plus réceptif à l'introduction des premiers éléments de l'État-providence, de l'État du bien-être, et aussi qu'on va chercher à tout prix à attirer chez nous les investissements américains. Deux façons de créer du revenu et de l'emploi. La pièce maîtresse du plan de mise en place de l'État-providence, c'est le rapport Marsh, dont nous parlait il y a un instant André Reynaud. Leonard Marsh avait été un réformiste dans les années 30, et il se trouve maintenant stratégiquement placé dans les années 40 pour diffuser ses idées. Mais comme l'explique Alan Moskowitz, un économiste à l'école de service social à l'université Carleton, il existe d'autres forces favorisant l'introduction de ces premières mesures sociales. Après la Première Guerre mondiale, il y avait une réaction intense, il y avait beaucoup d'agitation sociale, et parmi les leaders de gouvernement, ça veut dire parmi les membres de gouvernement de King, il y avait un concern d'éviter une réaction après la Deuxième Guerre mondiale pareille. Et l'idée de comité, c'était de planifier des programmes économiques et sociaux pour la période de reconstruction après la guerre. Et c'était Marsh qui était le secrétaire des sous-comités du comité conseil. Mais c'était simplement une circonstance parce que c'était pas le repart de Marsh qu'on connaît, n'était pas en fait le travail du comité. Il faut parler un peu des autres forces qui ont donné naissance aux démons pour un repas pareil. Il y avait dans la guerre une transformation industrielle, une transformation du gouvernement. Il y avait l'établissement de beaucoup de coopérations d'État pour l'effort de guerre. Il y avait aussi, pendant la guerre même, une croissance d'importance des partis sociaux-démocrates avec les élections de 1944, par exemple, à Saskatchewan. Mais il y avait aussi des élections en 1943 à l'Ontario où le CCF est devenu le deuxième parti, le parti de l'opposition. Il y avait aussi des élections pour des circonscriptions fédérales où, par exemple, en 1943, le membre du parti CCF ont gagné contre l'ancien leader du Parti conservateur, Arthur Meehan. Parmi le gouvernement de King, et avec King aussi, il y avait un concern que c'était possible de le CCF peut gagner l'élection après la guerre. Il y avait aussi des pressions pour les changements sociaux qui avaient leur origine dans le mouvement syndical. Il y avait une forte croissance des syndicats associés liés avec le CIO au Canada. Et ils ont demandé quelque chose. Ils ont demandé changement de système de salaire, sans changement de croissance de salaire, parce que c'était complètement contrôlé à ce temps-là, ou presque. Ils ont demandé ce qu'on dit recognition, ça veut dire ils ont pour leurs syndicats. Ils ont demandé les changements des lois industrielles pour assurer que la loi leur reconnaisse dans la législation, ça veut dire leur donner des droits. Mais ça, c'est des forces. Si on ajoute aussi le rapport Beveridge, qui était le rapport produit à Grande-Bretagne, un rapport qui avait planifié les lignes d'un programme d'établissement d'un plancher social à Grande-Bretagne, qui était très important comme ce qu'on dit un best-seller au Canada dans les années 40. On a les facteurs dans la décision du gouvernement de King de demander à Marsh de produire un rapport sociale sur l'établissement des programmes sociaux au Canada. Ce plan qui existe déjà dans la première moitié des années 1940, est-ce qu'on va très vite le réaliser, le mettre en place, M. Moskowitz? Pas du tout. À ce temps-là, il y avait aussi un rapport ce qu'on nomme le rapport Hegarty sur la question d'assurance maladie aussi. Mais toutes les deux étaient presque ignorées par le gouvernement. En fait, en 1944, le gouvernement de King a décidé de... En fait, la décision était après, mais ils ont établi la législation en 1944 pour les allocations familiales. Mais c'est difficile à voir une autre forme de programme social qui était établi dans cette période. On va donc introduire très lentement ce programme compréhensif de sécurité sociale, tel qu'esquissé dans le rapport Marsh. Et certains observateurs ont été critiques de cette lenteur. Mais il faut bien voir que les circonstances indéfinies de l'après-guerre limitaient la marge de manœuvre des gouvernements et qu'au Canada, les forces réformistes se sont souvent attachées à obtenir d'abord des droits de reconnaissance syndicale avant de s'attacher à réclamer vite la réalisation des autres droits sociaux. Certains, comme Gérard Bélanger, un économiste spécialisé en finances publiques qui enseigne à Laval, pense que la construction de l'État-providence, elle s'est faite malgré tout assez vite dans l'après de la Seconde Guerre mondiale, compte tenu des circonstances. Les gens avaient oublié que, durant la guerre, les consommateurs avaient restreint leur consommation et que l'après-guerre, ils utiliseraient tous leurs avoirs liquides disponibles pour acheter les appareils ménagers pour dépenser ce qu'ils n'avaient pas fait durant la guerre. Donc, l'après-guerre au Canada, avec des politiques un peu expansionnistes fédérales, n'a pas amené un problème de chômage, mais les années 46-47 a amené un problème d'inflation. Cette inflation de l'après-guerre, M. Bélanger, est-ce que ce pourrait être une des raisons qui va faire qu'on va retarder un peu la mise en place de toutes ces politiques sociales qu'on avait voulu mettre en place dans les années 43-45? Oui et non. Dans le sens, premièrement, il y a des problèmes majeurs. L'assurance chômage a été créée en 1941, l'assurance chômage. Après, en 1945, vous avez eu l'établissement des allocations familiales. Mais en 1947, venait à échéance tout le problème des accords de location fiscale entre le fédéral et les provinces. Et on devait, en un mot, répondre à cette grande question-là avant d'implanter de nouvelles mesures. Le fédéral avait beaucoup d'argent, il y avait des surplus budgétaires de l'ordre de 20 % mais l'état des finances publiques, en un mot, le fédéralisme canadien au niveau fiscal, n'était pas encore établi. Et après discussion, on a décidé de prolonger ces accords-là. Donc, il faut voir qu'avant de mettre les grandes mesures, il fallait répondre au problème qui avait les pouvoirs de taxer au Canada. Et après, on a mis, en 1950, 50-52, on a décidé de généraliser les pensions de vieillesse. Les pensions de vieillesse existaient auparavant. Elles ont été créées vers 1927, mais étaient fonction du revenu du monde. C'est qu'en un mot, si vous étiez dans le besoin, vous aviez le droit à pension de vieillesse et c'était un programme conjoint fédéral-provincial, un programme à frais partagés. Chaque niveau de gouvernement y mettait 50 % des coûts. Mais en 1950, on s'est aperçu que 50 % des personnes âgées bénéficiaient de ces allocations de vieillesse-là. Et en 52, grâce à... était fonction du revenu du monde. C'est qu'en un mot, si vous étiez dans le besoin, vous aviez le droit à pension de vieillesse et c'était un programme conjoint fédéral-provincial, un programme à frais partagés. Chaque niveau de gouvernement y mettait 50 % des coûts. Mais en 1950, on s'est aperçu que 50 % des personnes âgées bénéficiaient de ces allocations de vieillesse-là. Et en 52, grâce à l'amendement constitutionnel que les provinces ont agréé, le fédéral a établi les pensions de vieillesse universelles pour les gens de 70 ans et plus. Et il y avait des pensions de vieillesse selon les revenus du monde pour les gens entre 65 et 70 ans. Et en 70, vous avez eu le prolongement que tout le monde qui a 65 ans et plus ont droit à une pension de vieillesse. Et vous avez l'assurance de socialisation qui va venir quelques années plus tard, soit en 1958. Mais même là, quelques provinces, dont le Saskatchewan, avaient un programme d'assurance de socialisation qui rendait gratuit le service le plus coûteux dans le secteur de la santé, soit le service hospitalier. Et en 1958, le fédéral se dit prêt à partager à 50 % avec les provinces l'assurance de socialisation gratuite, même si au Québec, le programme d'assurance de socialisation ne sera en vigueur qu'au 1er janvier 1961. Donc, vous avez vraiment des grandes mesures qui ont lieu dans les années 50. Et ces mesures-là sont coûteuses. Mais il faut voir aussi que pour les financer, les années 50 furent des années de prospérité au Canada, et aussi la crise et la guerre avaient laissé au gouvernement fédéral, surtout, des taux de taxation élevés. Et ça lui permettait de financer plus facilement ces grands programmes majeurs-là. Lorsqu'on parle de programme majeur ou des programmes universels, il faut voir que ce sont des programmes coûteux. L'intervention de l'État, c'est aussi une réponse à des changements dans le soubassement social au Canada, car la Seconde Guerre mondiale a déclenché une véritable révolution sociale. Il y a d'abord, avec la guerre, la renaissance brutale des oppositions raciales autour du plébiscite de la conscription le 27 avril 1942. Comme en 1917, le gouvernement fédéral veut la conscription, et ce, malgré qu'il se soit engagé, lors de l'élection, à ne pas l'imposer. Le gouvernement fédéral va donc aller au peuple avec une question. Consentez-vous à délier le gouvernement de ses promesses anticonscriptionnistes? Le Canada anglais dira oui. Le Québec dira non, à 71%. François-Albert Anger écrira dans l'Action nationale de mai 1942 qu'il s'agit d'un vote de race. Le plébiscite a divisé le pays en deux camps irréconciliables, écrira la Gazette. Et puis, il y aura l'urbanisation qui s'accélère avec l'industrialisation. On dira que dans certaines régions, il s'urbanisera en termes absolus autant de gens en une décennie que dans tout le siècle qui a précédé. Avec l'urbanisation, c'est la dislocation de la société traditionnelle et l'ajustement difficile d'un prolétariat urbain qui a grandi trop vite. Ce sera aussi des moments d'explosion dans ce passage, la grève de l'amiante, qui illustre bien l'évolution de la société canadienne, un peu comme la grève générale de Winnipeg en 1919 avait marqué le changement dans l'après de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y aura, avec l'après-guerre, le baby boom, une croissance du nombre des naissances au Canada qui va marquer un retour temporaire des femmes au foyer, un retour qui se serait peut-être produit naturellement, mais dont on fait la promotion, qu'on a voulu, comme nous l'explique André Lévesque, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Si on se reporte à la littérature populaire, si vous ouvrez une revue en 1945, vous serez étonné des articles sur la famille, sur les rôles traditionnels de la femme, comme bonne cuisinière, bonne ménagère, etc. C'est pas une coïncidence, puis ça s'est poursuivi au début des années 50, c'est pas une coïncidence qu'au Québec, on commence à avoir des semaines de la famille chaque année. Les syndicats catholiques, évidemment, étant relativement plus conservateurs, se sont toujours opposés à ce travail féminin-là, même pendant la guerre. Pour des raisons pas toujours économiques. Des raisons qu'on invoquait, c'était par exemple que les hommes et les femmes travaillaient ensemble la nuit. Bon. Alors, vous voyez un peu les arguments dont on se servait. Après la guerre, c'est pas seulement les syndicats catholiques, on voit tous les milieux. Et comme je le disais, c'est reflété dans les émissions de radio, dans la presse féminine, dans les pages féminines des journaux. On revalorise le rôle traditionnel de la femme. On les remercie de l'aide qu'elles ont apportée, mais c'est fini. Et c'est pour ça que ça se traduit de façon démographique par le baby boom. C'est un phénomène mondial, mais ce phénomène-là, des femmes qui retournent au foyer, ça ne se limite pas au Québec ou au Canada, c'est partout. C'est en France, quand De Gaulle donne le vote aux femmes et qu'il leur dit « je vous donne le vote après la guerre et je voudrais 12 millions de beaux bébés dans 5 ans ». Comme ça. Bon. Alors, c'est lié à une politique nataliste, ça se produit aux États-Unis aussi, et il y a une politique nataliste de tous les gouvernements qui encourage ça. Il n'y avait probablement pas besoin d'encouragement. C'est évident que si vous avez plusieurs hommes qui sont au front et qui retournent, qui reviennent, vous allez avoir une hausse de la natalité. Sauf que la hausse de la natalité s'est poursuivie quand même pendant pas mal d'années après la guerre. et c'est le baby boom, qui est une façon concrète de mesurer ce phénomène-là. La période du baby boom, André Lévesque, va être suivie par une nouvelle entrée des femmes, et cette fois-là en masse, sur le marché du travail au Canada. Oui, ça va se produire. Évidemment, bon, les femmes sont en grande partie, en grande majorité, à la maison après leur mariage, pendant toutes les années 50. C'est généralement ce qui se passe. Avec les années 60, on assiste à un changement. Ça reflète la situation économique aussi. On s'aperçoit qu'avec deux salaires, on réussit beaucoup mieux qu'avec un. Même parmi les classes bourgeoises, on s'attend maintenant à ce que les femmes travaillent avant qu'elles se marient. Alors que, aussi tard que pendant les années 50, si on était de bonne famille, entre guillemets, on ne travaillait pas avant de se marier. Et il faut faire la différence entre la main-d'œuvre féminine mariée et célibataire. Donc, la main-d'œuvre féminine célibataire est, bon, en masse sur le marché du travail. Les femmes mariées vont y retourner de plus en plus, mais graduellement. Et il ne faut pas non plus sous-estimer l'influence des mouvements féministes qui datent de la fin des années 60. Là aussi, c'est un courant mondial qui fait partie des autres mouvements radicaux de la fin des années 60. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, on va avoir salaire égal pour travail égal. Les femmes mariées qui vont entrer sur le marché du travail auront en général deux ouvrages, deux emplois. Elles auront leur travail à la maison, qui commencera à 5 heures le soir, puis l'autre travail qui va de 9 à 5 peut-être. Et puis le travail à la maison qui commence peut-être à 6h30, 7h le matin, avant 9h. Il y a toujours division des rôles. Il y a division des rôles sur le marché du travail. Les femmes ne sont pas dans les mêmes emplois, dans les mêmes secteurs en général que les hommes. Elles sont toujours moins payées, c'est évident, mais les revenus annuels des femmes demeurent de beaucoup inférieurs à ceux des hommes, encore aujourd'hui. Et on dit même que l'écart augmente en ce moment. En parallèle avec cette révolution sociale, il y a la mise en place d'une stratégie de développement économique dans l'après-guerre, d'une stratégie de développement axée sur l'investissement américain. C'est un volet essentiel de la stratégie de reconversion de l'économie canadienne, de reconversion d'une économie planifiée et centralisée en une économie de libre entreprise. En 1946, le ministère de la Reconstruction et des Approvisionnements fait la revue de 643 installations utilisées pour la production de guerre et cherche à voir quelle sorte de travail va être nécessaire pour convertir ces installations à la production de temps de paix. On va suggérer que dans près de 60% des cas, la conversion peut se faire sans trop de difficultés. Il y a aussi toutes ces entreprises d'État créées en temps de guerre que l'on va vouloir privatiser. Ce sont donc des investissements importants qu'il faudra, surtout que l'on devra réabsorber dans la vie économique civile quelques 750 000 membres des forces armées qui seront démobilisés entre 1945 et 1947. On va tout faire pour stimuler l'investissement domestique, mais aussi l'investissement étranger, inquiet que l'on est que si le niveau d'investissement n'est pas suffisant, c'est la dépression encore. C'est une stratégie économique dont le propagandiste est le ministre C.D. Howe. Alvin Finkel, un historien de l'Université d'Alberta à Edmonton, nous parle de cette stratégie. Le ministre d'Industrie, C.D. Howe, a invité les Américains de prendre le contrôle des compagnies contrôlées par les Canadiens. Pendant la guerre, le gouvernement canadien a commencé environ 27 compagnies dans le secteur gouvernemental qui ont fabriqué les optiques, les maisons, etc. Et après la guerre, le gouvernement a décidé qu'il ne veut pas contrôler ces compagnies. Il a décidé de vendre les compagnies, mais la plupart de ces compagnies gouvernementales ont été vendues aux Américains. Et puis, il ne faut pas dire que le gouvernement canadien a regardé la question de contrôle américain comme problème. Est-ce que dans l'après de la Seconde Guerre mondiale, M. Finkel, le gouvernement canadien a invité, comme vous le dites, les capitaux américains à venir en masse au Canada parce qu'on avait peur du retour d'une grande dépression, parce qu'on voulait à tout prix relancer l'économie, même si c'était avec des capitaux américains? Absolument. Il faut dire que la croissance des programmes sociaux, comme la croissance des capitaux américains, ont la même source, un très grand pour dans les secteurs gouvernementaux d'un retour aux circonstances de la dépression. Il faut dire aussi que dans les États-Unis, la peur de la dépression a aussi donné une force à la croissance des programmes sociaux, mais aussi à la croissance de la militaire. Cette stratégie de CDR, elle va fonder tout le développement économique canadien dans l'après-guerre. Et elle va avoir des conséquences fondamentales sur la structure de la socio-économie canadienne, et ce jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une stratégie qui a été adoptée à la légère. Irving Breacher, un économiste à l'Université McGill, qui a étudié l'évolution de l'économie canadienne dans l'après-guerre, nous explique les fondements de cette stratégie. Des gens comme M. Howe ont exprimé, si vous voulez, la philosophie, il faut développer le Canada. Plus. Comment est-ce qu'on peut faire ce développement? On a des choix. Essayer de faire ce développement sans les Américains ou sans beaucoup d'investissements américains, c'est peut-être une option, mais une option avec un coût, je pense, énorme. Il serait nécessaire d'avoir un gouvernement dans presque tous les secteurs de l'économie canadienne, une économie, pas une économie mixte, comme on dit en anglais, mais une économie gouvernementale. Est-ce qu'on peut dire, M. Breacher, que les coûts de cette option qu'on a faite, de ce choix qu'on a fait, étaient des coûts importants aussi? Oui, on peut dire ça, vraiment. Quand nous avons fait les recherches avec Simon Riesman et les autres, nous avons fait les recherches pour la commission Gordon, nous avons trouvé, pas des coûts historiques, pas tellement des coûts actuels, mais des coûts peut-être potentiels. Le contrôle reste avec les Américains. Dans la majorité de ces compagnies, le pouvoir important restait avec les Américains. Avec quel effet? Ici, on a trouvé des instances où le parent dit à la succursale, fais pas ça, fais pas les exports, ou fais les imports de nous, seulement de nous, pas de les autres. Nous savons que le prix est plus bas, mais achetez de nous. Nous avons trouvé des exemples où ils ont fait un investissement dans les États-Unis, pas dans le Canada, malgré le fait qu'il était plus cher dans les États-Unis. Nous avons trouvé des instances comme ça. Nous avons essayé de faire un bilan avec les instances comme ça, mais c'était un bilan impossible. On veut faire une évaluation de les choses concrètes comme ça, avec sur un côté et sur l'autre côté, des grandes, grandes choses, des grandes questions comme le développement canadien. Est-ce qu'on peut parler d'un développement rapide canadien sans ces capitaux? On ne savait pas jamais comment on peut faire une mesure. Ça, c'est le problème. Mais si le bilan, M. Breacher, est tellement difficile, oui, et que les dangers potentiels existent, oui, on se serait attendu à ce que les politiciens, lisant le rapport Gordon, oui, et vos études, oui, prennent tout de suite certaines mesures pour, sinon empêcher l'entrée du capital américain, au moins éviter ces dangers potentiels. Est-ce qu'on l'a fait? Non, on n'a pas fait, mais pour quelques raisons. Le conseil n'était pas simple. Il y avait un type de conseil, une étude de, comme Bridgerisme, un autre type de conseil de gens comme Walter Gordon. Walter Gordon était beaucoup plus nationaliste que l'étude spéciale de Bridgerisme, par exemple. Mais malgré ça, le rapport final de la commission Gordon n'était pas très, très nationaliste. En 1947, c'était naturel que de se tourner vers les États-Unis pour assurer la croissance économique du Canada. Les États-Unis, c'était la source de la moitié de la production manufacturière au monde à l'époque. Et les Américains, c'était des voisins avec lesquels nous avions entretenu des rapports étroits, intimes même, pendant toute la période des hostilités. Mais pour beaucoup, ce choix de la stratégie art, il va s'avérer trop coûteux pour la socio-économie canadienne. L'un de ceux qui ont été parmi les premiers hommes politiques à alerter l'opinion publique et à prendre parti pour un contrôle plus efficace des influx de capitaux américains, l'un de ceux qui, après avoir accepté la stratégie art, l'ont vertement décrié, c'est Eric Kearns, ancien ministre à Québec et à Ottawa, et jusqu'à récemment professeur de sciences économiques à l'Université McGill. Je lui ai demandé de me parler de la stratégie de Howe en 1945. On avait à ce moment-là, avec M. Howe et avec en particulier les bureaucrates à Ottawa, une insistance sur la nécessité d'un investissement, de très grand investissement. On n'avait pas ici les épargnes pour financer une telle croissance économique. Et on a invité en particulier pour exploiter et développer nos ressources, les investissements américains en particulier. Mais on a oublié complètement de sauvegarder, de prendre certaines précautions, de demander certaines garanties sociaux et économiques au lieu de chercher l'argent, les investissements comme bons ou obligations qu'on peut payer exactement comme l'ont fait les Américains dans le 19e siècle. On leur a donné la propriété complètement. Mais nous, les économistes, à ce moment-là, étaient coupables nous-mêmes parce que nous avons la tête dans les nuages. On a dit que avec la concurrence, avec la compétition, tout ça, ça serait un avantage pour tout le monde, pour les consommateurs. Mais ce n'est pas arrivé comme ça. En effet, créer des monopoles ici chez nous, des monopoles américains. Et on a commencé à réaliser la faiblesse d'une telle politique. Je peux vous donner un exemple. Disons, par exemple, la différence entre un Hydro-Québec et si l'Hydro-Québec était la propriété, disons, de financier new-yorkais, Consolidated Edison, ou ça. Ici, l'Hydro-Québec font des profits assez considérables, avec des revenus d'à peu près 2 milliards. Ils ont touché un pourcentage de 40%, ça veut dire près de 800 millions de dollars ici chez nous. Et la monnaie est gagnée aux dépenses des consommateurs, en particulier les Québécois. Mais ce serait bien difficile de créer des critiques ou de soulever la population contre l'Hydro-Québec. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'ils payent trop, peut-être, pour l'électricité, mais au même temps, l'Hydro investit toute l'accumulation de ce surplus dans la croissance économique de la province. Donc, ça nous donne une circulation de l'argent à l'intérieur de la province. Si l'Hydro était la propriété des financiers étrangers, on n'aurait pas du tout qu'est-ce qui va arriver avec ce surplus, avec cette accumulation gagnée des poches des consommateurs québécois. C'est là la différence. Et on a peut-être gagné avec les investissements étrangers, les gages, les salaires, et peut-être des impôts aussi au fisc provincial et fédéral. Mais on perd le contrôle sur notre avenir, si on peut dire ça. Parce que c'est là qui compte. Et pour financer les investissements de demain, il faut qu'on retienne le surplus chez nous. mais nous avons fait confiance dans les grands nombres d'investisseurs. Moi-même, j'étais exactement un qui a appuyé cet influx d'investissements étrangers. Mais en 1965, quand le gouvernement des États-Unis a insisté à ce moment-là que toutes les grandes compagnies, les filiales des grandes compagnies américaines qui ont opéré dans le Canada, qu'elles suivent certaines politiques de dividendes remis à la compagnie mère, politique d'achat aux États-Unis au lieu d'une politique d'achat, ce que Lido fait ici chez nous, mais ils ont insisté que les filiales américaines fassent autant que possible leur achat aux États-Unis. Et tous ces arrangements, on traite à ce moment-là pas avec, disons, 900 grandes corporations, chacun opérant d'après leurs propres objectifs, mais on traite avec un seul, en effet, une politique qui était tracée par le secrétaire de commerce du gouvernement des États-Unis. On a commencé à douter cette politique, mais nous étions commis à une politique de croissance à n'importe quel prix. Quelle que soit la nature des choix qui étaient véritablement possibles pour l'économie canadienne dans l'après-guerre, au début des années 1950, le contexte international dans lequel la petite économie canadienne s'inscrit va changer. Et des forces extérieures vont faire que va s'accélérer le processus d'investissement américain au Canada. Pourquoi? Eh bien parce qu'au début des années 50, dans les économies du monde libre qui ont cru rapidement dans l'après-guerre, on va commencer à s'inquiéter de la rareté potentielle de matières premières. Une conférence spéciale réunissant des représentants de 28 pays à Washington en février 1951, va analyser les problèmes de disponibilité de 14 produits naturels importants. Or, dans 6 cas sur 14, il va s'avérer que le Canada est le producteur majeur. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi on va voir tout d'un coup les investissements américains dans les ressources canadiennes grimper en flèche, ainsi que nous l'explique Bernard Bonin, un spécialiste des problèmes d'investissement étrangers et des entreprises plurinationales. Il enseigne à l'École nationale d'administration publique. C'est en bonne partie, mais pas uniquement, le résultat d'une crainte de l'apparition d'une pénurie subite de matières premières aux États-Unis. Il y a eu en 1952 la publication d'un document qui a eu une influence marquante aux États-Unis, qu'on a appelé le rapport Paley, qui prévoyait une pénurie de matières premières dans toute une série de domaines. Et le Canada est devenu, bien sûr, avec sa stabilité politique, ses liens d'amitié avec les États-Unis, un endroit rêvé, et ses richesses naturelles, un endroit rêvé où investir. Et vous avez vu apparaître les développements du minerai de fer au Québec et ailleurs dans ces années-là. C'était dans les années de la guerre de Corée. On prévoyait donc une pénurie mondiale. Après la guerre de Corée, on a déchanté rapidement et on s'est aperçu qu'effectivement, il n'y avait pas de risque de pénurie, mais les investissements avaient déjà été entrepris, ça a continué. Et puis, il y a eu tout le développement d'industries manufacturières. C'est une période d'or au Canada. C'est aussi une période d'or de la multinationalisation dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu une tendance qui s'est faite très nette à ce moment-là. Une espèce de confiance nouvelle. D'abord, ce sont des années de très forte croissance. Ce sont des années où les pays européens qui avaient été plus ou moins détruits par la guerre ont retrouvé graduellement le rôle qui était le leur dans le monde. Alors finalement, vous avez eu un vaste mouvement de multinationalisation qui a été assez généralisé, qui a touché cependant davantage l'Europe et le Canada que ce qu'on pourrait appeler les pays en voie de développement. Les pays en voie de développement, les mouvements importants sont venus un peu plus tard. On a l'impression, M. Bonin, qu'on a presque invité le capital américain à entrer au Canada encore plus vite qu'ailleurs. C'est juste parce que, en plus de maintenir un climat très accueillant pour les investisseurs étrangers, on a même fait des mesures qui visaient à stimuler l'investissement. Il y avait, par exemple, en matière de fiscalité, des avantages qu'on offrait au capital étranger qui n'étaient même pas à la disposition des investisseurs nationaux. Alors, il est clair qu'on a cherché à accentuer ce mouvement-là. Et si on ajoute à ça, effectivement, le fait que dans cette période d'après-guerre, alors que les pays européens reprenaient graduellement leur place, ça a été malgré tout une période de très forte croissance aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis et le Canada, à l'époque de ce qu'on appelait la pénurie de dollars dans le monde, étaient les deux grands fournisseurs, parce qu'ils n'avaient pas été tellement touchés par la guerre, ils étaient les deux grands fournisseurs de toute une série de biens. Alors, si vous ajoutez donc d'un côté des conditions fondamentales extrêmement favorables et que vous ajoutez à ça le fait que déjà il y a une vague de multinationalisation, c'est-à-dire que c'est devenu à la mode, en somme, d'aller produire à l'étranger et partout dans le monde, ou à peu près, et puis vous ajoutez à ça des stimulants qui visent à attirer le capital étranger en plus, il serait très étonnant que les résultats n'aient pas été au bout des entrées assez massives de capitaux, et c'est effectivement ce qu'on a connu. Et ce qui est assez drôle, c'est de constater que déjà à la fin des années 50, vous avez la Commission royale d'enquête sur les perspectives économiques du Canada qui commence à soulever des interrogations concernant ce mouvement-là, et des interrogations qui seront reprises une dizaine d'années plus tard par le groupe Watkins et par le comité One, et finalement qui aboutiront au rapport Gray en 72. Et les premières mesures qu'on pourrait qualifier d'un peu restrictives concernant le capital étranger datent, comme je le disais tout à l'heure, à peu près du début des années 60, mais surtout de la mise en place de l'agence de tamisage qui, elle, attendra 74 ou 75. Cette réaction nouvelle à la dépendance vis-à-vis des États-Unis, cet interventionnisme, ce nationalisme nouveau, seront autant d'effets d'écho du fait que, avec la fin des années 50, l'État au Canada va être tenté, tant au niveau fédéral qu'au niveau des provinces, de mettre en place des politiques économiques de plus en plus ambitieuses. La prochaine fois, nous examinerons les forces qui ont déclenché ces ambitions nouvelles et les raisons qui ont amené les intervenants à devenir moins ambitieux dans les années 70. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith et Ron Meng. À la technique, Michel Bouffard. Conseiller musical, Martin Paget. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet, qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecque.